Killing Poupe pou mourir. Tout le monde pense à propos de la façon de tuer Pou, mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui commentent d'autres publications ou sur la page Facebook, Twitter, Yahoo répond et d'autres types de sites sur la façon de tuer Pou, à propos de si Pou mourra s'ils ne le font pas ou combien vous prenez cela une vie plus heureuse. Désolé de décevoir beaucoup, mais Pou ne peut pas mourir. Il n'y a aucun moyen de le tuer. Si vous essayez de ne pas prendre soin de lui en aucune façon, en essayant de le tuer par la faim, tomber malade ou même qu'il devient fou en ne dormant pas, laissez-le, vous perdez votre temps. Pou sera toujours là pour vous attendre à Nîmes pour revenir à prendre soin de lui. La seule façon de débarrasser votre animal de compagnie préféré jusqu'à présent est de désinstaller l'application depuis votre smartphone. Mais de cette façon, Pou disparaît de votre vie. En plus de cela, si vous décidez de revenir à l'application plus tard, seulement en entrant votre adresse email avec laquelle vous avez enregistré un nom pour votre Pou, cela revient à votre terminal lorsque vous l'avez laissé. Donc, vous savez, il est impossible de tuer Pou. Quoi qu'il en soit, je pense que ce petit étranger ne mérite pas de mourir. Continuez à s'en occuper.